La neutralisation des forces psychiques. Donc, c'est le thème qui va être abordé dans le cadre de cette capsule audio. Je l'ai choisi suite à une question que j'ai reçue du public, donc de la part de Marie-Thérèse, donc il y a quelques jours, qui m'a écrit. Et comme je trouvais intéressante sa question et je trouvais plus propice de développer davantage pour une réponse dans le cadre d'un enregistrement audio plutôt que de lui écrire, parce que c'est sûr qu'à travers la parole, je trouve ça plus efficace. Je peux dire plus de mots, exprimer plus d'idées en moins de temps que d'écrire et de formuler des phrases sur ce que je vois taper. Voilà pourquoi que je fais cet enregistrement audio. Donc, la question est la suivante. Comment peut-on neutraliser les forces psychiques qui sont derrière un individu? Donc, pour neutraliser les forces psychiques qui sont derrière un individu, bien, il faut générer un taux vibratoire qui va être plus grand que les forces derrière l'individu. Autrement dit, il faut être capable d'avoir une portée énergétique qui est plus élevée que les forces derrière l'individu. Concrètement, c'est que si la personne est sous influence de forces astrales, bon, ben, il faut manifester un taux vibratoire plus élevé que le plan astral. Autrement dit, si la personne a une capacité de générer une parole vibratoire en relation avec le plan éthérique, bon, ben, à ce moment-là, elle va être capable de neutraliser les forces psychiques derrière un individu momentané lorsqu'il est en présence de cette personne. Donc, neutraliser l'astralité de la psyché d'un autre individu, ça peut se faire. D'ailleurs, la moindrement que la personne a une capacité de monter en colère mentale, elle est capable de générer un taux plus élevé que l'astralité au sein de la psyché d'un individu qui va être pris dans des jeux de réflexion, dans des états émotionnels, tristesse, etc., joie subjective, peur. Mais ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que le taux vibratoire le plus élevé a tendance à prendre la place sur les entités astrales. Donc, autrement dit, si un individu est capable de canaliser une entité éthérique, bien, les entités astrales, momentanément, vont se tasser de la psyché de l'individu qui est sous son joug. Donc, autrement dit, l'influence de l'entité astrale peut être temporairement neutralisée par l'activité de l'individu qui a un taux vibratoire et qui est capable de véhiculer une parole éthérique, notamment à travers la parole exprimée à voix haute. Donc, autrement dit, si quelqu'un exprime une parole à voix haute qui a un taux vibratoire plus élevé que l'autre qui est sous influence astrale se plaint, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la parole qui est plus haute en vibration va altérer l'éther qui est en présence des deux individus, puis l'autre individu va baigner dans le taux vibratoire le plus élevé. Donc, un phénomène de contamination énergétique par rapport au taux plus élevé qui va neutraliser l'activité du taux plus bas. Pourquoi? Bien, parce que l'entité astrale est obligée de se tasser. Lorsque la personne est exposée psychiquement à un taux vibratoire plus élevé que ce qu'elle est capable de soutenir, parce que ça va lui créer un choc énergétique. C'est un petit peu l'entité astrale comparable à quelqu'un qui va se baigner, un baigneur. Donc, quelqu'un qui va se baigner et n'est pas capable d'endurer une chaleur trop grande dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sort de la piscine. Si l'eau est trop chaude ou l'eau est trop froide, même principe. Donc, autrement dit, si la personne est capable de générer un taux vibratoire qui est trop élevé pour la contenance de la personne, donc si la personne est allumée du feu de l'esprit puis ça génère trop d'énergie par rapport à la capacité de contenance de l'entité astrale qui est derrière l'ego qui est sous son influence, bien, à ce moment-là, l'entité astrale va se tasser, l'ego va vivre momentanément un état de libération psychique, l'ego va se sentir mieux, hein, et il va se sentir plus léger dans le mental, comme si on lui enlevait un poids. Pourquoi? Ben parce que momentanément, l'entité astrale est tassée. Par contre, le point, c'est bien beau de vouloir neutraliser les forces psychiques qui sont derrière un individu, comme par exemple celle astrale. Par contre, le point, c'est que la minute que l'individu n'est plus en contact avec une personne qui est capable de générer le taux vibratoire suffisamment pour déloger l'astralité, ben, la personne, une fois que l'espace n'est plus occupé par l'énergie éthérique, comme la nature horreur du vide, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que la personne, une fois qu'elle est plus en consultation avec une personne qui a un taux vibratoire plus élevé, advenant que ce soit une consultation individuelle, bon, ben, pendant la consultation qui peut durer une heure, ben, la vibration la plus élevée se manifeste. L'autre qui est en présence bénéficie de cet apport-là énergétique qui va déloger momentanément l'astral en elle. Mais si la personne n'intègre pas l'instruction supramentale qui est véhiculée dans le cadre de la consultation, la personne va retourner chez elle, puis elle va se remettre à vibrer à l'astral, elle va retomber dans les vieux patterns, parce que l'exposition à un taux vibratoire, oui, peut donner la paix de l'esprit momentanément, mais ça donne pas l'autonomie psychique pour que la personne soit capable de s'auto-générer sur le plan vibratoire, puis avoir une force de volonté pour contester l'astralité. Certes, le contact avec un individu qui a une conscience plus élevée sur le, en relation avec l'intégration de l'énergie du plan éthérique, donc une conscience supramentale, peut, dans le fond, être utile pour un individu. Et son exposition peut lui donner une académie temporaire. Mais si l'individu qui est en contact avec cette personne n'intègre pas l'instruction, bien, la personne va être en paix pendant quelques instants, puis c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Lorsque la personne retombe tout seule chez elle avec ses vieux patterns, puis pas en contact avec l'autre qui a un taux vibratoire plus élevé, bien, l'astral revient au galop, puis là, la personne se remet à réfléchir, à vivre des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, de la peur, etc. Là, la personne, si elle développe pas l'autonomie psychique, bien, qu'est-ce qu'elle va falloir qu'elle fasse? Bien, qu'elle reprenne une autre consultation avec une autre personne pour connaître un état d'être différent, assister à une conférence de quelqu'un qui est capable de générer un taux vibratoire, écouter un enregistrement à caractère vibratoire pour se réajuster sur le plan vibratoire. Mais le but de l'intégration, de l'instruction, c'est que la personne soit autonome, c'est-à-dire qu'elle soit capable elle-même de générer son taux vibratoire suffisamment élevé pour déloger l'astral par elle-même. Autrement dit, qu'elle acquiert une combativité psychique. Mais pour acquérir la combativité psychique, c'est souvent à travers d'atroces souffrances. Donc, quand la personne en a plein le cul, tabarnak, de pogner tout le temps à vibrer de la petite peur puis de la petite réflexion, ben tabarnak, à un moment donné, ça se peut qu'elle monte en puissance puis elle dit, là, je vais faire quelqu'un d'autonome puis je vais me libérer moi-même de l'astral en générant moi-même la colère mentale puis en sortant de la peur. Donc, et c'est sûr qu'au niveau de la consultation, oui, ça peut être utile temporairement pour que la personne bénéficie d'un taux vibratoire et d'un support énergétique. Par contre, le but ultime, c'est pas que la personne devienne dépendante de quelqu'un qu'elle consulte, c'est que la personne soit capable de s'auto-générer sur le plan vibratoire par elle-même, puis qu'elle intègre l'intégration supramentale. Il y a des gens qui ont été exposés pendant 20 ans, 30 ans à l'écoute d'enregistrement en lien avec la conscience et ils sont pas capables de la générer. C'est un petit peu comme les gens qui, par exemple, vont écouter des films là, ou des, ils vont écouter des matchs de, comment on appelle ça, là, de la boxe là. Puis là, ils vont voir des gens qui font des combats, puis ils vont trouver ça intéressant. Mais c'est pas parce que tu écoutes un match de boxe que tu vas devenir un grand boxeur. Ça n'a aucun rapport. Il faut que tu t'entraînes. Il y a des efforts à faire. Il faut que tu t'en soulèves des poids et haltères. Il faut que tu en fasses des push-ups. Il faut que tu te mettes en condition. Et d'être exposé à des enregistrements sur la conscience, vous pouvez en écouter pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais si la personne n'a pas le courage, tabarnak, de prendre sa vie en main, c'est de l'hostie de merde, c'est du bourrage de crâne, ça va vous donner un état de paix temporaire, mais ça fera pas de vous des êtres autonomes sur le plan psychique. Et pour neutraliser les forces psychiques qui sont derrière un individu, premièrement, il faut se demander si on a le mandat de faire ça. Parce que, dans le fond, il y a des gens qui n'ont pas été débarrassés de l'astralité parce qu'ils ne seraient pas capables de contenir l'énergie de l'esprit puis contenir le vide temporaire que ça peut occasionner. Donc, c'est sûr que le point, c'est que c'est pas tout le monde qui a fusionné dans cette incarnation-ci. Ça doit être respecté. Comme moi, je n'irai pas entamer, dans le fond, un processus qui va viser à amener des ajustements vibratoires dans le cadre d'une conversation avec ma grand-mère présentement pour neutraliser l'astralité qui est derrière, par exemple, son fond religieux, parce qu'elle est chrétienne et catholique. Et elle a grandi là-dedans, puis elle pratique régulièrement la prière à chaque jour. Mais non, ce serait pas intelligent. Parce que si on enlève des éléments, il faut que ça soit remplacé par quelque chose d'autre. Et idéalement, la chose autre qui remplace l'astral, c'est l'énergie éthérique. Mais pour que l'énergie éthérique remplace l'astral et qu'il y ait une intégration réelle qui se fait au sein de l'individu, il faut qu'il y en ait la capacité, puis c'est pas tout le monde. Puis pour savoir si on a la capacité, c'est un individu avec lequel on est en contact, a la capacité d'intégrer vibratoirement la vibration qu'on peut lui acheminer, bien, il faut faire une lecture vibratoire. Il faut regarder au niveau de son esprit si, dans le fond, on a la vibration ou non de neutraliser les forces psychiques qui sont derrière sa psyché. Il y a certaines personnes que oui, si la personne a le potentiel d'intégration, ben ça devient intéressant qu'il y ait une parole vibratoire, qu'il y ait une fraternité psychique qui s'installe, une alliance de désastralisation mutuelle, dans certains cas qui peut être utile et bénéfique pour chacune des parties impliquées. Par contre, il y a des gens, c'est pas le temps de vivre ça. Il y a des gens, je pense à ma grand-mère, elle a 98 ans. Il faut avoir les corps aussi physiques, les corps énergiques pour intégrer. Donc, souvent, quand les gens sont en fin de vie, c'est pas le moment idéal pour se libérer de forces astrales puis les accompagner dans un développement de conscience. La meilleure chose qui peut être faite, c'est les accompagner dans leur vie, donner un apaisement momentané, mais c'est pas nécessairement le temps pour intégrer une grosse instruction. Chaque chose en son temps, puis c'est du cas par cas. C'est sûr que je dis ça, puis il y aurait peut-être quelqu'un à l'âge de 98 ans ou 80 ans avancé qui pourrait avoir un certain potentiel d'intégration. C'est du cas par cas, et c'est vraiment individuel. Donc, tout est reçu selon la forme du récipient, comme il a déjà été dit. Mais sinon, par rapport à la question « Comment peut-on neutraliser les forces psychiques derrière un individu? » Je relis la question pour pas perdre le fil. Bien, c'est en générant un taux vibratoire qui va faire en sorte que les forces psychiques derrière l'individu pourront plus rester en présence. Autrement dit, si on prend par exemple des conférences que faisait Bernard de Montréal ou Marc de la Salle, bon ben, à travers la parole, il générait un taux vibratoire qui était tellement élevé dans la salle que l'astralité qui accompagnait les individus qui ont rentré dans la salle, ben, était délogée. Les entités astrales étaient obligées de partir parce que le taux vibratoire était plus capable de le supporter. Donc, autrement dit, si, par exemple, l'entité astrale est capable de contenir un certain niveau d'énergie, bon, ben, dépasser un certain niveau, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'énergie est trop forte pour elle et ça lui crée un choc. Et c'est ça qui l'amène à déloger. Autrement dit, si quelqu'un, par exemple, de l'eau à 30 degrés Celsius ou 40, c'est trop chaud pour cette personne-là, bon, ben, si on augmente la température alors que la personne est habituée de baigner dans 20 degrés Celsius à 30, 40, ben, progressivement, et puis à 40, il n'y a plus d'entité astrale qui est capable de soutenir ça, ben, ils sont délogés. Fait que si on amène un taux vibratoire qui est plus élevé que les entités astrales en présence de l'individu, ben, les entités vont être délogées. C'est tout simplement comme ça fonctionne. Est-ce qu'on peut neutraliser des forces psychiques nouveaux, éthériques aussi, en ce sens contrepartie cosmique double? C'est une autre question qui pourrait se poser. La réponse est oui. Dans le sens que un individu qui est en fusion avec l'esprit a la capacité de générer une parole qui peut amener un ajustement même par rapport à sa propre contrepartie cosmique, mais la contrepartie cosmique de notre individu pour lui amener à réaliser certaines choses. Parce que l'homme nouveau, avec un grand H, qui inclut la femme, donc l'individu masculin et féminin, a la capacité d'amener des ajustements créatifs à la fois sur les êtres sur le plan éthérique, sur le plan physique et sur le plan astral. Bref, l'être humain nouveau aura une capacité de générer des ajustements vibratoires en fonction de son degré de compréhension du réel qui va lui permettre d'amener des ajustements de nature multidimensionnelle par rapport aux êtres qui l'entourent. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. L'être nouveau peut ajuster les gens sur tous les plans parce qu'il est capable de manifester une conscience à tous les plans. Il est capable de manifester une conscience sur le plan physique. Il est capable de manifester aussi, dans le fond, une conscience sur le plan occulte où peuvent se trouver des êtres astraux ou des êtres mentaux, donc qui se rapportent au plan mental. Donc, il peut ajuster tout être. Et c'est sûr qu'aussi, tu sais, si quelqu'un, dans le fond, veut que les forces psychiques derrière sa psyche sont neutralisées, ben il faut regarder si la personne le veut vraiment. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent se sortir de la soumission astrale, mais en réalité, c'est un mouvement d'orgueil, qu'il y ait une autre forme d'astralité, qu'il désire de sortir d'une condition, mais pas nécessairement en pratique. Donc, il y a des gens qui disent en théorie, « Oui, je veux me sortir de l'astral, mais en pratique, quand vient le temps d'agir, ils ne passent pas à l'action. » Pourquoi? Ben parce que ils ont tendance à la procrastination puis ils n'ont pas de volonté réelle. C'est comme la personne qui va se présenter devant un entraîneur au gym. La personne a dit, « Écoute, je veux me mettre en forme. » Et je veux m'engager physiquement. Puis la personne dit, ah ouais, tu veux être en forme? Ben tu vas venir ici 3 fois par semaine puis tu vas faire à chaque fois 1 heure et quart d'entraînement en soulevant des poids et haltères. Puis là, la personne dit, ah ben là, je veux m'entraîner, mais pas autant que ça. Ben là, et puis l'autre va lui dire, ben tu veux vraiment être en forme? Il dit, oui, oui. Mais là, tu veux-tu ou tu veux pas? Puis là, la personne, s'il y a vraiment de la volonté, capable de s'engager. C'est-à-dire, si la personne a dit « je vais être en forme » puis elle se présente 3 fois par semaine pour s'entraîner, bien, elle est cohérente avec sa parole. Tandis que la personne qui dit « ah, je veux m'entraîner, mais pas trop. » Ben oui, mais Christ, tu veux-tu t'entraîner? Tu veux pas t'entraîner, tabarnak? Vous comprenez un peu ce que je veux en venir. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent se sortir de la stérilité, de la soumission à la peur, etc. Mais c'est pas vrai. C'est du bullshitage, tabarnak. C'est ça le point. C'est ça qui m'enrage. Et présentement, les gens qui veulent vraiment le sortir de l'astral, c'est très, très rare. Il y a beaucoup de babillage mental sur des forums en lien avec la conscience supramentale. J'en vois plein à chaque jour. Il y en a qui posent des questions par rapport à certains concepts. Ils réfléchissent ça et ça donne place à certaines joutes intellectuelles. Mais le point, c'est que à quelque part, il faut vibrer puis agir, comme disait Daniel Ménard, qui a été l'intervieweur de Bernard de Montréal là, pendant plusieurs années, qui a initié ici la conscience supramentale au Québec. Il faut vibrer puis agir. Et pour avoir de la volonté de sortir de l'astralité, il faut être pénétré par l'énergie de l'esprit. Puis étudier cette énergie-là comme étant un faisceau d'énergie qui va, lorsqu'on est capable d'utiliser l'énergie sur le plan éthérique en relation avec l'intégration d'une transparence d'ego, ben on va être capable d'utiliser cette technologie, cette technologie-là. Vous voyez, je voulais dire énergie, puis j'ai dit le mot technologie. Ben, on peut dire que l'énergie qui provient de l'esprit est une forme de technologie vibratoire. Mais c'est pas technique comme un appareil, un ordinateur. Non, le mot technologie, là, je vais le tasser. Là. C'est bien beau à regarder qu'est-ce qui se présente devant parole, mais c'est utiliser cette énergie-là pour déplacer l'astralité. Mais c'est souvent à travers de grandes souffrances. Et c'est sûr que moi, dans le fond, si je vais me promener à Montréal sur la rue Sainte-Catherine, puis il y a plein d'itinérants, c'est sûr que plein de ces gens-là sont astralisés par des forces astrales. Je ne suis pas stupide. Par contre, est-ce que j'ai le mandat cosmique de tout désastraliser ces gens-là puis de véhiculer une parole qui va changer un taux vibratoire? Pas nécessairement. Et c'est sûr que quelqu'un qui est spirituel va dire « Ah, ben je vais sauver tout le monde. Hein? » En fonction d'un désir spirituel, va dire « Ah, ben moi, je vais sortir les gens. » Je vais neutraliser les forces astrales derrière eux, etc. Mais si la personne le fait avec un désir spirituel, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vibrer de la haute spiritualité dans un désir de sauver l'être humain. Mais si elle fait ça, ben qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tasser des forces de bas plan astral pour des forces de plus haut plan astral, mais elle fera pas une libération astrale. Et c'est seulement l'énergie éthérique qui peut opérer une libération psychique au second niveau. Et lorsque l'énergie éthérique opère, c'est dans une perspective d'efficacité énergétique. Parce que le plan éthérique a accès à une compréhension, à savoir l'autre, il est prêt à en prendre comment du courant de l'énergie avant qu'il pète les plombs. Puis, est-ce qu'il y a la capacité d'intégration? Est-ce que l'autre devant soi, là, il y a vraiment un potentiel d'intégration? Et vibratoirement, vous pouvez le savoir quand même assez vite, dans le sens que ça, au moment où vous posez la question simultanément, la réponse peut émerger. Et si la personne a un potentiel d'intégration, bon, ben, c'est de voir si, à ce niveau-là, c'est intelligent là, de neutraliser les forces psychiques astrales. Et si la personne a un potentiel d'intégration de l'énergie éthérique et d'intégration plus spécifiquement des structures supramentales, bon, ben, la personne peut bénéficier d'une conversation à caractère vibratoire qui va lui permettre non seulement de bénéficier d'un apaisement de l'esprit à travers le moment de la conversation, mais aussi si elle a la capacité d'intégrer les principes relatifs à la nature de la conversation, bien, la personne va avoir une autonomie. Autrement dit, une fois que la personne se désastralise, bien, elle va être capable de le faire par elle-même, puis elle n'aura plus besoin de personne. D'ailleurs, quelqu'un qui a un rôle vraiment initiatique dans le cadre d'une existence d'un autre individu, il ne cherche pas à faire de lui un disciple ou un adepte ou quelqu'un de dépendant. Il cherche de rappeler la personne à elle-même pour qu'elle soit pleinement autonome. Et ça, c'est une particularité. Il ne cherche pas à jouer au thérapeute avec cette personne-là pendant 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Il cherche à véhiculer la vibration qu'il a besoin de véhiculer, puis après ça, d'avoir la crise de paix, tabarnak. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est très différent du guide astral qui cherche à maintenir une dépendance avec son adepte, puis de bénéficier de cette énergie-là qui parasite, parce que l'individu qui est vraiment fusionné, Christ, ne cherche pas à parasiter l'autre énergie de l'autre personne qui lui donne l'attention à chaque fois, qui va le libérer momentanément de certains éléments désajustés sur le plan psychique. Lui, ce qu'il bénéficie tellement de son propre apport énergétique en relation avec l'intégration de sa fusion, qu'il n'a pas besoin de supporter énergétiquement par rapport à l'autre en termes d'attention astrale. Certes, la personne peut bénéficier d'une contribution financière. Certes, la personne peut bénéficier d'un montant d'argent, devenant que ce soit une consultation payante dans l'optique d'un rééquilibrage énergétique. Sauf que le point, c'est que l'individu qui est conscient, il ne cherchera jamais d'avoir des adeptes, des disciples, des gens dépendants. Ça appartient aux égos fortement astralisés. L'individu réellement conscient cherche, oui, à bénéficier d'un apport énergétique d'un autre individu, bénéficier de son intelligence, des réajustements créatifs qu'il peut engendrer, voire même un échange qui peut mener à un montant d'argent. Mais sa priorité, c'est pas l'argent. Dans le sens qu'il n'est pas soumis à l'argent, mais est capable de reconnaître l'intelligence d'utiliser l'argent comme un moyen de vivre en société, ce qui est très différent. Mais pour en revenir au terme de la discussion, la neutralisation des forces psychiques derrière un individu, ben, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est en fonction de l'individu en présence, son taux vibratoire, capacité d'intégration. C'est comme ça que ça se définit. C'est sûr que s'il suffisait de dire « Ah, ben je vais neutraliser l'astralité de toute la rue Sainte-Catherine à Montréal, puis on va régler comme ça le problème de l'itinérance », ben ça serait simple, puis probablement que ça serait fait depuis longtemps. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il y a certaines personnes issues de l'itinérance qui ont saturé de leur situation, et là, ça devient comme intelligent que les gens participent à des programmes de réinsertion sociale, aillent temporairement dans un refuge, ensuite dans des maisons de transition. Donc, il y a des gens qui sont prêts à passer à autre chose, avec une supervision psychosociale. Il y en a d'autres que non. Ils sont dans la rue, puis eux autres qui évaluent, qui regardent, ils sont bien là, bien entre guillemets, selon leur évaluation subjective. Fait qu'eux autres, ils veulent pas nécessairement sortir de la rue. Puis, mais regarde, c'est leur décision personnelle. C'est du cas par cas. C'est selon la vibration puis la saturation d'une expérience. Il y a des gens qui ont saturé l'expérience d'être dans la rue. Il y en a qui ont saturé d'être dans la merde dans leur vie. Puis à ce moment-là, ben, il y a une montée en puissance, une montée en vibration qui fait que les gens vont agir autrement que dans le passé, qu'ils le faisaient. Puis sont capables de se libérer de certaines mémoires qui les gardaient dépendance, que ce soit de la drogue, de l'alcool, etc. Lorsqu'ils ont un changement de taux vibratoire en relation avec un état de saturation. Moi, en tant qu'individu, je suis pas intéressé à neutraliser les forces psychiques de derrière tous les gens de mon environnement qui sont pas ajustés parce que ça serait un travail à temps plein. Dans le fond, ça serait tout le temps dans un état de véhiculer une vibration. Ça demande de l'énergie aussi. Puis quand que je parle de ça, moi, en tant qu'individu, je suis pas intéressé non plus à être ajusté tout le temps à temps plein par plein de personnes. J'ai besoin de temps de repos. Je dis pas que je suis parfaitement ajusté en passant. C'est sûr. Tout ça demande de l'énergie. On peut pas vouloir ajuster tout le monde parce que, à quelque part, c'est inintelligent. Et il y a des gens qui doivent souffrir suffisamment d'une programmation pour en venir à un point que oui, ils peuvent être réceptifs à un propos qui va les amener à être ajustés, à aller plus loin dans leur compréhension du réel. Mais chaque chose en son temps, et c'est pas l'ego qui le décide. Tout ça, c'est orchestré pour des raisons de programmation et de destinée. L'ego, tout ce qu'il a à faire, sa job, c'est de lire adéquatement qu'est-ce qu'il a à faire ou non. Puis quelqu'un peut dire, ah ben, je veux neutraliser l'astral derrière tel individu, puis ça ne dit pas intérieurement. Quand même que la personne ait le plus grand discours supramental, probablement la personne ne sera pas mise en vibration pour ça parce qu'elle ne sera pas supportée par l'esprit. Fait que probablement qu'elle va avoir un discours de haute intellectualité dans l'espoir de changer l'autre. Puis là, si c'est de l'espoir, c'est un mouvement qui est spirituel. Puis si c'est un mouvement qui est spirituel, ça n'opérera jamais un changement au second niveau. Dans ce sens que derrière l'énergie spirituelle qui est associée à des formes, ça mène pas une libération de la forme. Tout ce que ça peut faire, l'énergie spirituelle, ça peut amener une espèce de paix à l'âme temporaire, parce que l'âme va, au lieu de vibrer au bas astral, peut vibrer au moyen ou au haut astral dans le meilleur des cas, mais il y a toujours du bruit. Tant qu'il y a de l'astral, il y a du bruit. Pourquoi? Ben parce que l'astral est en relation avec des formes, puis tant qu'il y a des formes qui sont ajustées dans le mental, il n'y a pas de vide mental. Tandis que enlever et neutraliser les forces psychiques, c'est générer un état de vide mental. Ce qui vous donne une mesure, là, si, dans le fond, les forces psychiques sont neutralisées, c'est que quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, vous entendez du bruit, de la réflexion, puis si vous avez une sensibilité très grande, ben avant de rencontrer la personne, si vous êtes très ajusté vibratoirement, vous n'avez pas de bruit dans la tête. Là, vous êtes en présence de la personne, il y a de la petite brie astrale, puis tabarnak, c'est lourd. Puis plus que c'est lourd, là, plus que ça vous indique que la personne est astralisée. Plus qu'elle se réfléchit, là, puis plus qu'elle est astralisée, puis plus qu'il y a de bruit, puis plus qu'à ce moment-là, si vous êtes mis en vibration par l'esprit pour créer du vide, là, vous pouvez monter dans un état de colère mentale qui va générer le vide. Une colère qui va chercher à neutraliser les formes et les faire éclater. Fait que là, en faisant éclater des formes, en montant en vibration, ben vous bénéficiez vous-même d'un état de vide qui n'était pas là au moment où vous entrez en contact avec la personne. Donc, vous sentez vide dans le mental. Vous rencontrez une personne, vous sentez une lourdeur. Puis plus que vous parlez avec elle, plus que de la lourdeur, vous décidez de changer le mouvement vibratoire. Fait que puis vous avez la vibration intérieurement que oui, c'est approprié. Bon, ben vous allez de l'avant. Vous pouvez faire, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Je vous dis pas de faire ça ou non, c'est selon le cas. Mais moi, la façon que je procède, c'est que je regarde intérieurement, puis et là, si je sens que la vibration se place, ben à ce moment-là, je vais parler, puis à quelque part, il va y avoir un état de vide qui progressivement va s'installer. C'est sûr que l'autre personne peut avoir des résistances, puis c'est normal. Faire bifurquer la conversation, vouloir toutes sortes de choses pour détourner. Puis, à un moment donné, l'esprit va neutraliser l'astralité et ça va générer un état de vide à la fois en soi puis en l'autre. Puis là, l'autre personne peut être contente de vivre ce vide-là sur le coup. Mais moindrement que la personne n'est plus en votre présence, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, l'astral va revenir au galop. Puis ces entités qui étaient là, puis les entités ne sont pas contentes. Puis les entités, qu'est-ce qu'elles peuvent chercher à faire? Bien, c'est de dire dans la tête de la personne que, ouais, telle personne... Il est pas correct, ou il est ci, et ça. On cherchait à le discréditer. Pourquoi? Ben, pour qu'elles puissent maintenir leur ascendance sur l'individu. Donc, autrement dit, l'entité astrale va dire à la personne, « Ah ben, ouais, telle personne, là, elle revoit le plus, là, c'est pas aussi vibrant que Bernard de Montréal, c'est pas, il est pas vraiment conscient. » Alors, retourne voir la madame qui parle des anges, là, puis de l'ouverture des chakras, là. Pourquoi? Ben, parce que l'astral va chercher à entretenir l'individu avec des relations psychiques avec d'autres individus sous influence astrale de la même catégorie. Donc, autrement dit, le but des plans astrales, c'est que l'individu reste sous leur influence. Et tant que la personne n'a pas saturé de tout ça, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner voir l'autre qui a un discours complaisant qui va lui dire que c'est une grande tête de lumière puis elle a juste à prier les anges pour que ça aille bien dans sa vie. Puis à un moment donné, quand elle va être suffisamment dans la marbre, ben peut-être qu'elle va dire, ben finalement, mon ego, faut que je le regarde, faut que je sois plus transparent, faut que je sois plus objectif, puis je sois capable de contester toute la désinformation qui m'est acheminée dans la psyché. Mais pour saturer la désinformation, ben il faut souvent être dans un état d'écœurantite, d'être tanné de la complaisance psychique qui est organisée par des entités astrales qui vont nous amener sur notre chemin des gens qui ont des propos mielleux, qui vont nous dire ce qu'on veut entendre comme ego, qu'on veut faire plaisir, qu'il suffit tout simplement de visualiser qu'on va être millionnaire puis qu'on va devenir millionnaire, alors que ça marche pas de même. Il y a des raisons de programmation qui vont faire en sorte que quelqu'un devient très riche ou très pauvre. Donc, c'est tout simplement ça là, que je voulais rajouter. Bon, comment neutraliser les forces psychiques qui sont derrière un individu? C'est la dernière fois que je reprends la question, puis je vais conclure là-dessus l'enregistrement. C'est tout simplement en générant un taux vibratoire qui va déléger un taux vibratoire qui est moins ajusté. Et c'est toujours le taux vibratoire le plus élevé qui prend le pas. Et c'est un principe énergétique, tout simplement. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.